Chapitre 22e, Gilda se lâche. De retour au commissariat, une nouvelle surprise m'attend. Hier soir, me dit Michaud, Vernieux a débarqué chez Gilda. Les clients ont entendu une altercation entre la patronne et Vernieux dans l'arrière-boutique. D'après les témoins, Vernieux lui reprochait d'avoir cafeté et lui a foutu une avoinée. Et ils n'ont pas été capables de l'attraper, ces deux gus qu'on avait mis en planque? Ben non, dans le salon, ils l'ont paumé. Ce con s'est mis à tirer, ils ont voulu éviter un bain de sang. Vernieux roulait à tombeau ouvert. Gilda vient de déposer plainte contre Vernieux au commissariat de Salon. Pourquoi une blessure? D'après elle, le gars s'est montré désagréable après avoir essayé de lui soutirer du fric. Je suis sûr qu'elle en sait plus que ce qu'elle veut bien nous dire. Peut-être qu'elle va se montrer plus bavarde avec quelques bleus sur les fesses. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite visite pour voir si elle est encore présentable? Eh oui. Dans la police aussi, on saisit toutes les bonnes occasions. Après un sandwich avalé au Jeanne d'Arc à la Bavide, nous prenons la route de Salon. Gilda a eu du mal à masquer les coups qu'elle a reçus. « Quel dommage !» dis-je en la contemplant. « Franchement, je compatis. Pour faire ça, il ne faut avoir aucun respect pour la beauté des femmes. Vous vous foutez de moi, c'est ça? Mais pas du tout, je suis sincère. Il va falloir qu'il paye aussi pour ça, ce fumier. Si vous me disiez exactement ce que vous savez... Vous voyez bien que la situation est dans une impasse. Vous n'avez rien à gagner à vous taire. Au pire, je peux vous inculquer pour complicité de vol, de recel et d'assassinat. » Gilda se passe les doigts écartés dans ses cheveux. Quel dommage qu'une fille comme elle végète dans un tel milieu. Écoutez, je sais qu'il y a quelque temps, Vernieux et Gelmar projetaient de buter un flic qui leur avait fait du tort. Ils m'avaient fait promettre de leur fournir un alibi au cas où. Bon. Après, Vernieux a commencé à venir avec cet estropié qui s'appelle Charlie. Vernieux m'avait expliqué qu'il devait du pognon à Gelmar, mais que ce pognon devait lui servir à faire le coup de sa vie. Après ça, qu'il disait « je m'en range des voitures ». Quelque temps après, j'ai appris que Gelmar avait été buté, et j'ai compris que c'était Vernieux et son pote qui avaient fait le coup. J'ai plus voulu qu'il remette les pieds dans mon bar, d'abord parce que ça pouvait me créer des engambis et ensuite parce que je ne pouvais plus voir sa gueule de salaud. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à l'emmerder pour le pognon qu'il me devait, et je lui ai dit que s'il ne me rendait pas ce qu'il me devait, il aurait des ennuis. « Parfait, je vous suis clairement. Continuez, s'il vous plaît. » Ils avaient toujours en tête de buter le flic du début, et ils en parlaient souvent à mots couverts. Mais moi, je comprenais de quoi il s'agissait. Je suis sûr que Vernieux avait négocié en secret un contrat avec un tueur pour liquider Gelmar et le flic. Gelmar a dû avoir vendu l'affaire, et Vernieux a décidé de prendre les devants en la jouant perso. « Et vous pensez vraiment que c'est Vernieux qui a fait le coup ?»« Sûr. Il était plein de pognon après ça. Seulement, il a dû trop parler, comme d'hab. Le pognon de Gelmar devait appartenir à un caïd qui a dû voir rouge. Vous voyez ce que je veux dire ?»« Le rouge, oui. Ce qualificatif me dit quelque chose. » Aux dernières nouvelles, Vernieux l'avait échappé belle et avait pris un pruneau près de la cafetière. « J'en étais là quand vous êtes venu me voir. Lui, il a cru que j'avais cafeté, il m'a bourré de coups, le salaud. » « Je vous préviens que s'il revient, on viendrait le chercher avec un corbillard, ce sale con. »« Vous n'avez aucune idée de l'endroit où il peut crêcher ?»« Non, j'aurais craché. »« Dites-moi, vous savez qui veut buter ce flic ?»« Peut-être. »« C'est un caïd qui veut sa peau ?»« Peut-être. »« Et c'est qui ce flic ?»« C'est vous, cette bonne blague !» fait Gilda avec un signe du menton et un sourire ironique. « Et hier, quand je suis venu, vous saviez déjà que c'était moi ?»« Bien sûr. »« Vous ne m'avez rien dit ?»« Les flics, c'est pas mon affaire, vous pigez ?» Eh bien, ça va le devenir, votre affaire. D'abord, vous allez faire un petit tour dans nos locaux, en garde à vue, histoire de vous ramollir la tête. Je vous coffre pour recel et participation à une tentative d'assassinat. Pourquoi recel? Ne vous inquiétez pas, vous allez voir tout ce qu'on va trouver chez vous. Fumier, vous n'avez pas le droit. Quand on veut jouer au con, on trouve toujours plus fort que soi. Ce n'est pas difficile. Petite pétasse, va. Mais elle est si jolie. Nous embarquons la fille et je monte avec elle à l'arrière, autant pour prévenir tout geste violent que pour pouvoir mater ses jambes splendides. Direction le SRPJ de Marseille. Je laisse des consignes à mon équipe. Cuisiner, cuisiner, cuisiner. Il en sortira toujours quelque chose. Recommencer à chaque fois depuis le début jusqu'à ce que le fromage tombe du bec. Nuit blanche obligatoire. Je ferai le point demain en jugeant de l'état de la cliente. Depuis mon bureau de Marseille, je rencontre au juge Cassard. « Numérotez vos abattis, Volpi, on ne sait jamais. »